Ouais, on peut y arriver tout seul, j'en suis la preuve. Les équipes sont formées et les balles pleuvent. Les petits se font engrainer, les mamas pleurent. Soi-disant, tu es le sang, tu dis plus hello. Tu dis plus hello. Qu'est-ce que ces jeunes feraient pas pour un billet yellow? Pour un billet yellow. Y'a de la fumée, y'a de la beurre. Mon cœur dans le congélateur. Aujourd'hui, ils font les macarons sur moi. Demain, ils viendront me sucer la gueule. C'est le ghetto, oh, oh. Y'a des couteaux, des métaux, oh. Ça a l'écran, oh. Eh ouais, mais les gars donnent des go, oh. Si vous voyez des BDH sur votre route, tapez-les, tapez-les. Vous parlez de comme si c'était des grands voyous, sucez-les, encapez-les. Amenez-les, faut qu'on les foque, y'a de la jack dans le gobelet. Je vais trapper-les, sparculer, tout ce qu'on leur dit, le gobe comme des enculés. Ouf, ouf, ouf, tu qu'à fatiguer quand ta grand-mère la pouffe. CZ cagoulé pour la 7 sous le roof, papa va y avoir des blessés sur ma route. J'hésite, fais au Lambo, sans me la péter, ouais, sans faire le Rambo. Depuis que j'ai goûté la vitesse, j'suis accro. Ouh, ouh, t'en es sûr? Nage pas comme ta papier, mets pas les pieds sur mes chaussures. Je mélange pas dans les coulisses. Sorti mon chambon, j'ai la police. Toujours une dent contre la police. Lui, il m'a l'air égoïste. Boris, enculé, ça c'est le son des gorilles. Là, je vais les choquer, I'm sorry. J'ai mis le bang dans la Philippe Maurice. J'ai perdu des êtres chers, j'espère qu'ils sont bien là-haut.